Cet épisode de Rétro Nouveau est une présentation de Simon Léonis, Charles-Étienne Gervais et Nicolas Chalifoux. Hey, merci les gars. Rétro Nouveau. Cette semaine à Rétro Nouveau, on vous parle des jeux Sleeping Dogs et Tumble Pop. Aussi, on discute du jeu qu'on aimerait inventer. Ouh! Bruno, ouais. On est de retour. Oui. Ça fait drôle quasiment de parler dans le micro. We're back, yo. Yeah, mon gars. Ah ouais. Puis ça fait donc bien du bien. Ça fait tellement de bien, là. C'était comme un naturel à toutes les semaines. Absolument, de se voir, absolument. Là, comme... on a des chips barbecue. Ouais. On a de la bière. La bière. On a nos notes, puis ouais. On est prêts, coach. Yes. Fait que, on voulait commencer ça. Il y a eu un gros changement dernièrement. Moi, dans ma vie, oui. Monsieur Net version 1 heure. Ouais. Parle-nous de ça défi. Parce que je l'ai pas écouté. Mais j'ai plus de chances de l'écouter, par exemple, ouais. La deuxième demi-heure, je dirais, bon. Vu que ça fit un peu plus. Ben, t'as vu. Mais là, l'idée, c'est vraiment c'est d'équilibrer les deux demi-heures. Fait okay. que. Faut que la première demi-heure soit aussi forte que la deuxième demi-heure et vice-versa. C'est comme deux émissions. C'est comme deux émissions collées. Parce que les gens, il y a certaines personnes qui pensaient qu'on aurait le même nombre de chroniques que dans la version de demi-heure. Mais en fait, c'est le double. Okay. C'est pas qu'on passe plus de temps sur une chronique. C'est pas les mêmes affaires plus longues. C'est ça. Mm-hmm. C'est pas plus de temps sur une chronique, c'est plus de chroniques. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de choses. Il y a plus de nouvelles qui datent vraiment de la journée même ou sinon de l'heure même où le show a été fait. Ouais. Puis aussi, évidemment, critique, chronique, des topos. C'est rendu qu'on a même un gars à Toronto qui fait des trucs pour nous. En remote, oui. Okay. Fait que c'est quand même intéressant aussi d'avoir quelqu'un comme ça à Toronto en tout temps. C'est vraiment le fun. Puis, en plus de ça, ben, toute l'équipe est là. Toute l'équipe est de retour. La même équipe que l'année passée. C'est la même équipe que l'année passée. Puis c'est ça, version 1 heure, ça passe tellement vite. Moi, j'ai fait ma deuxième ce soir. Ouais. On est mardi soir, puis écoute, c'est un vrai marathon, mais on a du fun, puis ça paraît pas trop, ben franchement, t'sais, pendant que tu le fais, tu t'en rends pas compte que c'est 1 heure, mais je t'avoue qu'à la fin, là, on est un peu vidé, tu vas être vidé, pas... hey, fois qu'on entend le logo de TV Max Plus, c'est le logo de la maison de production qui arrive, on est comme tabarouette, tu sais, ça fait 1 heure, là, tu sais, qu'on est là. C'est quelque chose d'intense, tu sais. Puis la préparation, c'est l'ouvrage pas mal. Ouais, c'est ça. Ben, il y a plus de préparation qu'avant. Joues-tu à plus de jeux qu'avant ou le côté jeu, c'est la même chose? Présentement, non. Présentement, pour moi, ça représente le même temps pour les jeux. OK. Par contre, maintenant, les nouvelles sont un petit peu plus, un peu plus présentes. Ouais. Fait que là, je fais des nouvelles, puis j'ai besoin de développer sur ma nouvelle, puis tout ça. Ouais. Puis c'est un côté qui est quand même assez intéressant là, à faire. Comme là, justement, j'ai parlé de la PS Vita qui reçoit des jeux de PlayStation 1 à partir d'aujourd'hui. Ouais. Puis on a même parlé d'un... Ça, c'est le fun, je vais le mentionner ici aussi, au cas où vous ne sauriez pas. Il y a maintenant la possibilité de jouer à des jeux de PS1 avec PS Vita si on upgrade à la version 1.80 de la PS Vita, qui nous permet de naviguer dans le menu avec les boutons, ce qu'on ne pouvait pas avant, parce qu'avant, c'était juste par le menu tactile. Okay. Okay. En plus de ça, maintenant, on peut jouer à des jeux de PS1. Puis Sony avait dit il va y avoir plus d'une centaine de jeux au lancement de cette update-là. Fait qu'attendez ça là, à point ferme, vous allez capoter. Là, aujourd'hui, c'est sorti. Pour l'Amérique du Nord, 9 jeux sont disponibles. Ouh! C'est hein? Ça, c'est quoi le meilleur jeu des 9, d'après toi, qui est sorti? Il y a Silent Hill, je pense, qui est dedans. Et Final Fantasy VII, qui est un incontournable pour plein de monde. Y a-tu Legend of the Dragon? Non, pas en tout. Excellent RPG. Mais c'est ça, mais il y a beaucoup de jeux PS1 qui sont déjà sur la PS3, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est les mêmes. Fait que là, il y a un moyen pour aller chercher ces autres jeux-là sans hacker ta console. Puis ça, c'est vraiment le fun. Ça coûte rien, ça, là, cet update-là? Ça coûte rien, cet update-là. Okay, okay. Puis là, il y a un moyen d'aller chercher les autres jeux qui sont pas tes 9 jeux choisis par Sony. Le moyen que tu as, c'est de télécharger le jeu de PlayStation 1 sur ta PS3. mais tu le laisses en mode bulle. C'est le mode pas installé avant l'installation. Fait que tu le laisses en mode bulle. Après ça, tu plugues ta PS Vita. Tu vas dans le gestionnaire de contenu. Tu copies le jeu PS1 qui va aller sur ta PS Vita. Oh. Tu l'ouvres. Bang, ça marche. Aujourd'hui, j'ai essayé ça avec la PS Vita de Denis. Ouais. Puis on était moi puis Denis ensemble. On était comme tabarnouche, ça marche. On était tout impressionnés. Tu sais, que on n'a rien hacké, là, on n'a rien fait, mais ça fonctionne. Ouais. Puis le temps que Sony se rende compte de ça, je suis persuadé qu'ils vont trouver moyen que ça fonctionne plus. Fait que grouillez-vous si vous avez des jeux PlayStation 1. J'avoue, hein. Il faut le faire vite. Parce que en plus de ça, ce qui est le fun, c'est qu'entre autres, dans les jeux PlayStation 1, tu sais, il y a Castlevania Symphony of the Night qui est là. Ça vous plaît. Tu sais, t'as Mega Man de 1 à 5 qui sont tous là-dessus. Ouais. Klonoa, Tomba. Tu sais, t'as des méga hits, là, plein de jeux de Capcom, de Disney, Destruction Derby, des Cool Borders, Heart of Darkness, Jet Moto. Heart of Darkness, il est pas là-dessus. Ah non, je pensais qu'il l'était. Il est pas sorti encore, Heart of Darkness, puis j'ai vraiment hâte qu'il sorte parce que moi, c'est sûr que j'achète ça. Ah, c'est clair. Les Oddworld, par exemple, sont là. Okay. Des très bons jeux. Donc, bref, il y a une panoplie de jeux très intéressants qui sont là-dessus. Fait que, bon, c'est le fun de savoir qu'au moins on peut les télécharger. T'sais. Excellent. Yes. Puis, restons dans les consoles portables. Ben oui. J'ai vu que tu as répondu à un fan sur notre site concernant la Nintendo 3DS. Oui. Excel. Oui. Ça demandait ça vaut-tu la peine? C'est-tu meilleur que la version normale? Ouais. Et moi, j'étais surpris de tes réponses, là. Oui. Fait que, c'est quoi? C'est pas. Ben, explique-nous ça. Ben, c'est qu'en gros. C'est que ça dépend vraiment de tes besoins, premièrement. Puis moi, en ayant les deux côte à côte, j'ai pu remarquer quand même certaines différences qui, à la longue, peuvent devenir fatigantes. Premièrement, l'écran, on n'a vraiment pas des couleurs aussi punchées que sur la 3DS normale. C'est-tu quelque chose que tu penses... Excuse, qu'on se rend compte, la bière, qu'on se rend compte quand t'as jamais vu une 3DS normale. Exact. On s'en rend compte, tu penses? Mais c'est exactement ça. C'est quand t'es là, côte à côte. Là, tu dis, oh, OK, il y a un chiffre. Oh, OK. Mais mettons, t'as jamais eu 3DS dans ta vie, t'achètes la XL. Ben, tu remarqueras pas vraiment ça. Okay. Tu vas probablement dire que les couleurs sont correctes. Mm-hmm. Mais si tu joues, admettons, tu joues le jour, là, puis là, je parle pas de jouer à l'extérieur, je sais qu'on voit rien à l'extérieur. Ouais. Je parle plus d'à l'intérieur, sous une lumière ambiante normale et pas dans le noir. Mm-hmm. Là, tu vas quand même dire, ben ouais, les couleurs sont là, mais sont pas super punchées. Okay. Tandis que la 3DS, l'écran de la 3DS, il est quand même assez magnifique. Là. Les couleurs sont vibrantes, puis il est beau. C'est vraiment un bel écran. Mais là, la 3DS XL, vu qu'il a fallu agrandir, c'est pas le même type d'écran glossy que sur la 3DS. C'est un écran qui est plus mat. Le grain est plus gros, évidemment, vu que le pixel est plus grand parce que ça a été agrandi. C'est 90% plus grand, ce qui donne un écran de 4,88 pouces. Okay. Ce qui est assez large. C'est vraiment un gros écran. Puis, une chose que j'ai remarqué, moi, j'ai joué pas mal à Kingdom Hearts dessus. Ouais. Puis quand tu joues, tu fais du button mashing pas mal quand même. T'es plus à l'aise sûrement que sa petite, hein? T'es plus à l'aise. Tu sais, les coins en bas sont arrondis. Ouais. Fait que ça, ils te rentrent dans le creux de la main. Exactement. Hein? C'est un problème que j'ai avec la 3DS, moi, que genre, quand. Puis en plus, le D-pad de la 3DS normale, il est super bas. Fait que quand tu veux t'en servir, t'as vraiment toute ta main est dans le vide. Il y a juste ton index en dessous puis ton pouce sur le dessus. Ouais. Ça va super mal. T'sais. C'est vrai. Fait que ça doit être pas mal mieux pour ça. Je trouve qu'elle est mieux. La prise en main est meilleure. Ouais. Ça, c'est définitif. Là. Ça va mieux. Sauf que l'effet 3D, on a plus de misère à faire le focus, ben franchement, parce que un écran, dans le fond, la 3D sans lunettes, puis je l'ai déjà essayé avec une télé, il y a des gens qui sont venus à Musique Plus nous présenter une technologie de télé 3D sans lunettes. Okay. Fonctionne à peu près par le même principe que la 3DS. Plus l'écran est gros, plus c'est difficile de faire le focus. Si tu bouges un peu, sur un écran qui est aussi petit que la 3DS, même si tu bouges un peu, tu vas rester quand même à peu près dans la même zone qui va te permettre de voir la 3D adéquatement. Okay. Avec la 3DS XL, ce qui arrive, c'est que dès que tu bouges un peu, tu perds le focus. Ah ouais, hein? T'as vraiment pas de marge de manœuvre. T'as pas une grosse marge de manœuvre. Okay. Ça, j'ai trouvé ça fatigant. C'est pas grave, ouais. Mais j'ai trouvé ça fatigant. Ben moi, j'étais un gars qui joue tout le temps avec la 3D garder dans le tapis. Ben, parce que je me dis, j'ai payé pour ça, c'est ouais, je la veux. On va la mettre dans le tapis, puis c'est tout. Exact. Mais, Ah, puis t'as bien raison. Moi ben, aussi, oui. Tu sais, je joue sur la 3DS pour ça, entre autres. Je me dis, crème, ils l'ont fait. Faut s'en servir. Ben oui, t'sais. Absolument. Mais non, ben, ça, moi, j'ai trouvé ça un peu fatigant. Il y a évidemment de la compression dans les films pré-rendus qui sont sur 3DS. Ouais. Elle va être beaucoup plus apparente sur la 3DS XL. On va la voir. Puis, aussi à cause de la résolution des couleurs qui sont peut-être un peu moins punchées. Il y a donc à ce moment-là moins de contraste. Qui dit moins de contraste dit de la mosaïque puis des trucs plus visibles dans de la compression vidéo. Puis as-tu pu essayer des jeux de DS là-dessus? J'ai essayé un jeu de DS là-dessus, puis comme la DSi XL, c'est pas terrible. Comme la 3DS normale, tu veux dire? Non, pas... mais il y avait aussi la DSi XL. Ah oui, puis la DSi XL, elle se crappait. La DSi XL, elle se crappait, je trouvais. Puis as-tu essayé du DSiWare là-dessus aussi? Non, j'ai pas essayé DSiWare, par exemple. Mais le DSiWare, déjà sur 3DS, il est pas super beau. C'est ça, t'sais. Fait qu'imagine là-dessus, il doit être assez... Là-dessus, il doit être dégueulasse. Parce que c'est ce que ça fait, la XL, là, c'est que... La résolution native, c'est la pas, même. Hein. Ben, c'est ça. Fait que là, c'est, elle fait c'est... juste blower. Exact. Ouais, ouais, ouais. Elle blow, puis elle fait un... c'est comme ils disent interlace. Ouais. Il y a un interlignage qui est différent, mm-hmm. qui te permet d'agrandir ton image. Par contre, ça reste beau. Là. Je veux dire, j'ai joué à des jeux là-dessus. Ça joue pareil. Là. Ça joue super bien, puis c'est beau. Ça reste beau, puis moi, j'ai aimé mon expérience avec ça, puis j'ai trouvé ça beau. Puis quand tu l'ouvres là, au complet, ça te donne quasiment la grosseur d'un iPad. Ouais, c'est t'imagines ça, hein? la grandeur. Non, c'est ça, c'est grand, un beau feeling. Ça. Fait que tu sais, c'est le fun, c'est gros, c'est dans ta face. C'est comme si t'avais ta... C'est comme si t'avais ta TV là, en tout temps, tu sais. Fait que ça se fait bien. La console peut être un petit peu plus lourde, mais pas tant que ça. OK. Il y a pas une si grosse différence que ça avec la 3DS. C'est que ça, je trouve ça quand même assez impressionnant. On peut pas s'empêcher de trouver ça triste que... Il n'y a pas de deuxième joystick parce qu'il y a de la place, mon gars. C'est là, sûr, il y a de la place. Tellement tu pourrais quasiment encastrer une petite manette avec un fil là, oui. de ta chambre. Oh, ça, c'est dommage. J'aime beaucoup l'emplacement du stylet. Le stylet, maintenant, est à droite. Ouais. Comme sur la DS pareil XL. Comme... Ouais, puis sa DS. Puis c'est un grand stylet qui est uniforme. C'est pas un stylet rétractable. Okay. Fait que ça, c'est très apprécié. Il est tight, le stylet. Nice. J'ai aussi aimé l'emplacement de la carte mémoire. Okay. La carte mémoire, présentement, sur la 3DS, on peut s'accrocher dedans un peu. Ouais. Là, on peut pas s'accrocher du tout de la manière que c'est placé. Même chose pour le bouton power. Power sur la 3DS, moi, ça m'est arrivé de peser dessus à cause que je pitonnais comme un malade. Boy, j'ai accroché le bouton power. Ah, moi, ça m'est pas arrivé, ça. Ça m'est arrivé, j'étais comme penché vers la droite avec la paume de ma main. Clac, je l'ai accroché. Ça devait être un problème fréquent parce qu'ils ont changé ça. Le bouton power maintenant est pratiquement enfoncé dans la console. OK. Fait que ça fonctionne. Les boutons aussi, Select, Home et Start. C'est qu'ils sont mal placés, eux autres. Mais c'est des vrais boutons. OK. Là. Ouais, là, ça va tellement mal. Ça va super là. Mal, ces boutons-là, sur la 3DS. Ouais. Mais ça, comme tu dis, ils sont mal placés. Ils sont super pareil, mal placés. T'sais. C'est pas le fun de peser là pour aller voir dans tes items ou quelque chose. Puis ils sont pas. Tu le sens pas, le bouton. Non. Faut vraiment qu'il pèse fort dans le milieu. Puis tu le sens quand tu mets ton pouce, qu'il y a une petite ligne en dessous, que c'est ça, le que bouton. Ça fait c'est petit... pas. Oui, c'est ça. C'est pas. Mais non, c'est moi, raté. J'aime pas le feeling de ces boutons-là. Moi non du plus. Tout, là. Mais ça a été changé avec la XL. Fait que j'ai quand même apprécié. Les boutons sont mieux. Même les gâchettes sont mieux. Ouais. Je trouve que ça répond bien partout au niveau des boutons. Il y a vraiment une amélioration pour la prise en main. Là, ça, c'est impeccable. La batterie dure plus longtemps. Mm-hmm. Fait que ça aussi, c'est pas négligeable. Ouais. Sauf que c'est ça l'affaire. C'est que le produit final, si tu les mets côte à côte, tu vas quand même préférer la 3DS. Ouais. Parce que la 3DS, tu sais, le look de la machine, tout le look, la portabilité de la machine, la 3DS gagne haut la main. OK. Même si la batterie est moins forte, mm-hmm. même si t'as des coins qui sont quand même carrés puis que ça fait mal aux mains, tu sais. Ouais. Ça reste plus intéressant, d'après moi, d'avoir la 3DS. La XL peut être intéressante pour quelqu'un qui a jamais eu de 3DS de sa vie. Ouais, c'est ça. Qui a des grosses mains. quelqu'un qui a des petites mains. Puis qui a plus de budget. Ouais, qui a plus de budget. Mais c'est quand même pas si pire, tu sais. C'est 199 au lieu de 169. Fait que 30$. Je trouve que c'est. Ouais. Je trouve que c'est correct. Ouais, tu sais, c'est pas genre 250$. Là, non, t'sais. C'est ça. Non, ça a du bon sens. Un autre gros fail qui va probablement, j'imagine qu'ils vont peut-être le régler. On peut jouer avec le Circle Pad Pro sur la 3DS. C'est impossible de faire ça avec la XL. Ouais, c'est ça. Toutes les, On ne peut pas l'enclencher nulle part. Puis d'ailleurs, c'est ça que je disais à M. Net. Imagine si tu avais à mettre un périphérique plus gros que le Circle Pad Pro, qui est déjà énorme, sur la XL. Je veux dire, tu aurais littéralement là, comme une console dans tes mains. Ça ferait deux Wii là, comme d'épais, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment pas terrible. Il y a des choses comme ça que tu comprends pas trop pour quoi ils ont pensé. Mm-hmm. Le slider de la 3D est amélioré aussi. Okay. Maintenant, il n'y a plus le 3D lumineux, chose qui m'énerve, moi, personnellement, sur la 3DS. Ça. Fait que là, il n'y a plus de 3D lumineux. C'est juste un 3D qui est comme encastré dedans. Okay. Puis le slider, il clique. Ouais, hein? Là, il est comme slack un peu. Tu sais jamais. Il glisse bien, mais t'as pas comme un feeling que t'arrives quelque part. Moi, j'arrive quelque part, c'est juste comme... Je le slack dans le fond, puis dans la titre. C'est ça, fait que c'est ils ont quand même, moi je trouve qu'ils ont tout amélioré, mais l'écran fait que ça c'est dur de dire ben vas-y avec la XL ou vas-y avec la 3DS. Moi au final j'irai avec la 3DS parce que je continue avec la 3DS, mais la XL c'est quand même une super bonne machine. Ouais, c'est ça. Ben avec tout ce que tu viens de nous dire, c'est assez éclairant, là, je pense. Ouais, c'est ça. Vous pouvez vous faire une idée quand même, j'ai tout dit. C'est cool ça. Great. Bon ben on va finir l'intro avec je veux parler de quelqu'un qui s'appelle Carl Robert. Terminaslot. Ouais, de son excellent nom. Malade. Ça, c'est un gars que j'ai rencontré via le club de collectionneurs de jeux vidéo du Québec, dans les meetings. Puis, il a suivi notre show, puis moi, il nous a reconnus là, dans notre YouTube, tout ça. Fait que, comme ça, il est venu me parler, puis on s'est mis à jaser, puis il est vraiment smart. Le gars, il est plus grand là, que moi, quand même. Il est quand même imposant. Là. OK. c'est un bon dude, là, tu sais. Puis, c'est ça, lui, il a un YouTube. Ça s'appelle Terminarcade. OK. Puis, l'adresse, c'est youtube.com/terminaslot. Termina SLUT, dans le fond. Okay. Vous pouvez trouver ça. Puis lui, ce qu'il fait, il fait des vidéos. Ça fait un an qu'il est là-dessus à peu près avec ça. Il fait des vidéos pour nous faire découvrir des jeux crappy. Une espèce de jeu là, tordu. Là, genre, il y a un jeu qui s'appelle LSD au PlayStation 1, je crois, qui est juste sorti au Japon. Okay. Tu sais, c'est un trip d'hallucination. C'est indescriptible comment ce jeu-là est de la merde, tu sais. Fait que lui, il est bien gros là-dedans. Il fait découvrir des jeux comme ça. Des Hidden Gems aussi, au Saturn. C'est des affaires qu'on connaît pas, là, vraiment. Ouais. C'est pas, il va pas parler des jeux connus, là. Il parle des affaires vraiment underground, japonaises, tu sais. Puis, ben, des fois, des trucs un petit peu plus connus aussi, là, mais tu sais, c'est pas. Ça nous permet de découvrir beaucoup de choses. Fait que c'est super intéressant. C'est cool. Moi, je vous recommande d'aller voir ça. Puis, si vous passez aussi dans un meeting du club de collectionneurs des jeux vidéo, c'est un grand gars avec un peu comme une couette sur le côté, là, habillé un peu gothique. Là. Ben, pas gothique, mais noir, là, tu sais. C'est ça. Mais vraiment, un très cool guy que je salue et que j'aime bien. Alors, allez voir ça sur YouTube. youtube.com/terminaslot. Ah, c'est bon les chips. Hey, mais. Puis on a déjà quasiment fini le sac. Ben oui. Il reste juste un petit fond. Les chips du retour, Colin. C'est gavé. Moi, je vais vous parler de Sleeping Dogs. Sleeping Dogs, c'est un jeu qui est sur PS3 et 360, aussi sur PC, si je me trompe pas. OK. Ça coûte 60$. Puis... C'est cher. C'est très cher. Ça vient de sortir, ça, là, genre la semaine passée. Ah, c'est tout récent. Je pense que c'est sorti il y a 2 semaines. OK. Puis ce que c'est Sleeping Dogs, c'est qu'au départ, c'est un jeu... c'était True Crime, la série True Crime. Ouais. Puis True Crime, il était supposé avoir un nouveau jeu de ça. OK. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Il n'arrivait pas à faire fonctionner le projet. Ça a commencé au PS2, ça, True Crime. Oui, exact. Ça a commencé au PS2. Puis True Crime, c'était des carrés de sable minables. C'était comme une faible copie de Grand Theft Auto. Okay. Mais avec quand même une histoire et un background assez intéressant. Okay. C'était comme les premiers pas de Saints Row. Finalement. Ouais, c'est ça. Parce que ça s'en allait vers le Saints Row, mais c'était pas ça. Okay. Puis c'était vraiment une série qui cherchait. Puis là, Square Enix a fait comme non, il y a de quoi d'intéressant avec ça. Ils ont pris le projet, puis ils sont vraiment Ils sont assis là-dessus puis ont fait « OK, on va faire un bon jeu avec ça ». Fait que c'est un peu comme Grand Theft Auto. C'est pratiquement la même chose. OK. Ce qu'on on incarne Wei Chen. Et Wei Chen, c'est un agent double qui va s'infiltrer dans les triades japonaises. OK. Puis ce qui arrive, c'est que lui, c'est le fun parce qu'il y a comme une dualité dans le personnage. Il va monter en rang dans les triades. Mais en même temps, il va falloir qu'il continue à rendre des comptes à la police. Ouais. Comme dans Rush puis dans Donnie Brasco. Oui, exactement. C'est comme tu deviens vraiment hot dans ta gang que t'infiltres. Ouais. Puis là, à un moment donné, t'es comme « Ah, shit, je peux pas dénoncer mes chummers. »« Ah, c'est pas mes chums. » Exact. Ah, mais c'est le fun parce que l'histoire est super bien développée. Puis tu te demandes vraiment, tu sais, bon, c'est où qui s'en va avec ça? Parce que des fois, tu te dis « Non, c'est un bon policier. Non, c'est un gars qui s'en vient triade. » Fait que tu sais, il y a un système de récompense par rapport à ça qui dit « Bon, t'es-tu une meilleure triade qu'un meilleur policier? » Tu sais, puis ça monte dépendant des actions que tu fais. Là-dedans, une des grosses différences par rapport à Grand Theft Auto, c'est que tu peux courir, tu fais du parcours finalement quasiment, c'est que tu cours après des malfrats, puis tu sautes sur les murs, puis tu jumps, puis tu passes par-dessus des barricades. Okay. Fait que le jeu est très physique. Il se passe pas en char là, tout le temps. Non, t'es pas tout le temps en char, même que la base est pratiquement jamais en char. Okay. C'est pas un jeu qui est basé sur les chars, c'est plus basé sur le combat. Okay. Fait qu'ils ont vraiment, puis ils ont travaillé avec j'ai pas son nom en tête, le Fighter. Fighter québécois, super populaire. Ah, UFC. Ben oui. Voyons. Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre. Exact. C'est qu'on est minable, pareil. On s'en va voter bientôt, puis on connaît même pas genre nos plus hauts au Québec. Mais en tout cas, GSP, il a travaillé avec eux autres de très près pour développer le jeu. Puis le tatou qu'il a sur son chest, là, paraît que c'est ça que ça veut dire. Ouais. Sleeping Dogs. Ouais. Mais non, c'est ça, mec. Mais c'est cool, mais en tout cas, le gars, il a vraiment travaillé sur l'engin de combat. Puis ça paraît parce que les combats sont super réalistes. Okay. Puis il est le fun, le système de combat. C'est un peu comme Batman, que ça ressemble à des chorégraphies. Finalement, t'as des thugs qui t'entourent, puis quand il y en a un qui devient rouge, tu peux peser sur un bouton pour l'intercepter, puis après ça, le frapper. Tout est une question de timing. Okay. Puis ton personnage, évidemment, il évolue, puis il apprend des nouveaux moves, mais c'est vraiment large le système de combat, puis c'est facile à, t'sais, c'est facile à jouer, c'est pas trop compliqué, c'est pas comme apprendre à... Ah ouais, ok, c'est à un certain point tu fais comme ok, c'était quoi ce move là, t'sais, puis tu veux le refaire, mais tu peux, il y a plusieurs façons de battre des ennemis. Okay. Puis il y a plusieurs types d'ennemis, fait que tu vas en avoir des gros qui vont arriver, eux autres tu peux jamais les pogner là. Si tu essaies des pogner, ils vont te pogner, ils vont te briser le cou, tu sais. Fait que c'est le fun, il y a comme différentes façons. Le jeu de gun est vraiment réussi. Okay. Mais ce qui est drôle, c'est que la plupart du temps, tu vas vouloir lâcher ton gun juste pour aller sacrer au monde, tu sais. Wow. Fait que ça, c'est cool, parce que tu peux courir vers le gars, puis sauter dessus, puis sacrer des coups de poing d'en face. Okay. C'est vraiment violent. Tu peux même le pogner, puis frapper dans un mur ou le pitcher par-dessus une clôture. Tu sais, tout ce que tu penses que tu pourrais faire dans le combat, tu le fais dans ce jeu-là. Wow. Fait que ça, c'est écœurant. C'est comme un des meilleurs jeux de combat ever. Là. Ouais, c'est ça. Avec le combat. Puis il y a aussi des poursuites de char. Puis c'est le fun, dans les poursuites de char, tu peux passer d'un char à un autre. Genre, tu peux sortir de ton char puis sauter sur l'autre char pour prendre embarquer sur le toit, là, comme dans les films, puis jumper de toi à toi. Genre. Ouais, c'est pareil comme Axel Foley dans Beverly Hills Cop. Ouais, c'est ça. Fait que c'est cool, tu peux prendre possession d'un autre car, d'un autre char. Ouais. On n'est pas dans Driver. Ouais. Mais c'est comme, ça me fait penser à Pursuit Force. Tu pouvais faire ça, c'était sur PSP. C'était la grosse twist que tu pouvais prendre un autre char. Ça, tu peux le faire. Aussi, on a tout le temps eu de la misère d'un jeu à tirer sur un autre char pendant qu'on est en char. OK. Là, ce qui arrive là-dedans, c'est qu'ils ont réglé le problème. Ils ont fait, regarde, t'es en char, tu veux tirer sur d'autres chars, c'est un autre gars qui chauffe. Là, l'autre gars chauffe, toi, tu sors de ton char. Mais c'est qui là, qui le chauffe? C'est un de tes chums, Tugger. Mais il chauffe automatiquement bien, mettons. Là, il fonce tout dans les murs un peu des fois bien, parce qu'il est mais il sauve, tu sais. Fait que okay. Les autres, ils roulent bien, mais toi, il faut que tu sais les autres gars qui te mitraillent et qui te massacrent et sont en train de détruire ton char. Fait que c'est stressant. Okay. Il y a aussi une façon de tirer pendant que t'es dans ton char, mais ça se fait bien parce qu'à toutes les fois où tu tires, conduire, mm-hmm. ton véhicule ralentit. Tout est en slow-mo. Okay. Fait que tout devient en slow-mo. Puis là, t'essayes de tirer les affaires. Des explosions arrivent en slow-mo. Puis ils reviennent à grande vitesse. Okay. Fait que c'est super le fun. Le jeu est tout le temps varié. T'as tout le temps plein de missions qui se retrouvent un peu partout dans le monde. Fait que tu sais, t'as une histoire à suivre puis à développer tout ça. Il y a des missions secondaires aussi, mais les missions secondaires sont le fun parce que c'est des missions qui ont rapport à l'histoire. Puis tu vas aider des gens de la triade, tu vas aider des gens de la police. Tu vas aussi aller voir quelqu'un dans une rue puis va faire comme « Hey, lui, mais il m'a volé mon sac à main. » Là, tu vas courir après un gars. Des fois, il y a même... Je me suis fait entuber, mon gars. Ah ouais? À un moment donné, il y a un char qui est sur le bord. Puis il est en panne. Puis okay. Il y a une fille qui elle me fait comme des sparages. Help me! Fait que là, je me dis, Colin, je vais aller l'aider, la pauvre demoiselle. Elle fait comme Help me! Puis là, finalement, il y a un gars qui passe derrière moi, puis qui me vole mes affaires. Okay. Puis là, il faut que j'y cours après, puis la fille elle rit, puis elle est comme ben, j'espère que tu l'as repogné, puis tu as sacré volé de sa vie. Pogné le sale, puis j'ai sacré volé. Tiré par-dessus le viaduc. Ouais. C'est, en plus, c'est drôle, tu dis ça, parce que c'est quasiment ça qui s'est passé, parce que tu passes par-dessus un pont, à un moment donné, je l'ai pitché en bas. Puis il y a le graphisme, c'est-tu beau? C'est bon? C'est beau. C'est beau, mais c'est pas époustouflant. C'est pas révolutionnaire. Non, genre, c'est ça. Sauf que ça se passe à Hong Kong, je pense. OK. Puis c'est beau, c'est animé. Il y a de la vie dans les rues. Le son est excellent. Il se passe tout le temps quelque chose. Ouais. Fait que tu sais, c'est vivant comme monde. Fait que j'ai vraiment aimé ça. C'est moins beau que Grand Theft Auto. OK. Mais comme t'es pas dans une ville urbaine, mm-hmm. ça fait du bien. Ouais. Parce que c'est ça, et d'un corps et de ça, maintenant, tu sais, Saints Row, Grand Theft, c'est dans une ville urbaine qui peut tout le temps ressembler à New York ou à Los Angeles. Fait que, tu sais, been there, done that un peu. Tandis que dans celle-là, c'est un vent d'air frais. Une autre affaire qui est super intéressante, tu peux prendre. Il y a des territoires un peu partout. Une chose que j'adorais. Moi, je. Prendre les territoires, prendre possession d'un territoire dans un jeu, je sais pas pourquoi, mais c'est l'affaire que je trouve la plus tripante. Ah, écoute, c'est tes sentiments, c'est tes hormones masculines. Ouais, là, comme exact. C'est mon territoire. Mais j'ai aimé ça, c'est comme dans San Andreas, qui tripait bien raide là-dessus. Il y a eu la même affaire dans le jeu Godfather, le premier. Ouais. Tu peux prendre des territoires, puis je me souviens que j'ai pris possession de tous les territoires avant de faire une mission. Puis dans celle-là, c'est un peu la même affaire, c'est que tu commences en sacrant voler à tous les thugs qui sont là. Okay. Après ça, tu vas hacker leur système de sécurité. Okay. Puis tu vas aller dans ton appartement pour aller dans ta TV. Puis là, tu auras le système de surveillance. Puis à partir du système de surveillance, tu vas mettre ta mire sur le malfrat qui a l'air du dealer okay. ou du leader. Puis là, il va se faire arrêter. Okay. Puis là, tu vas avoir pris possession de ce territoire-là. Fait que c'est vraiment cool, tout est fun, il y a des mini-jeux là-dedans pour infiltrer des choses, pour débarrer une valise. C'est comme un mélange de... Check bien ça, on va faire une liste parce qu'elle est longue. Comme un mélange de Grand Theft Auto, Chinatown Wars pour, okay. Pour les mini-jeux, Assassin's Creed, Batman Arkham City, Midnight Club pour la course puis le racing, ça ressemble un peu à ça. Il y a aussi un peu de... C'était quoi, je vous l'ai dit? Il y a un autre jeu aussi là-dedans. Street Fighter pour le combat. Ouais, écoute, quasiment. Mais tu sais, ça ressemblait quasiment à un jeu de UFC des fois pour okay. le combat. Fait qu'il y a plein de choses. L'histoire est écœurante. La trame sonore est super bonne. Ils ont une station, c'est Roadrunner Records. Fait que c'est tout du métal. Ils ont une autre station, c'est Ninja Tunes. Ah ouais. Une autre station, c'est Warp Records. OK. Une autre station, c'est Kerrang. Une autre station, c'est du Talk Radio. Ah, c'est une autre, hot, c'est ça. Des vieux trucs oldies. Mm-hmm. L'affaire que les gens vont reprocher... Y'a-tu Radio X? Non. C'est ça, j'ai envie d'entendre chialer. Eh ouais, t'entends chialer. Hey, fin de race, tabarnak. On y va en musique, tu sais. Ça va être dégueulasse. Ça serait drôle. Eh ouais. Mais non, il n'y a pas Radio X. Dommage. Mais c'est ça, les stations sont super intéressantes. La trame sonore est super bonne. Il y a beaucoup de gens qui vont reprocher à trame sonore de ne pas avoir assez de hits. c'est souvent des tunes, genre la tune sur l'album que t'écoutais pas. Okay. Mais c'est des bonnes tunes, pareil. Faute de budget, probablement. Ben, peut-être. Il y a juste Ninja Tunes, évidemment, c'est plus les artistes dominants, mais Ninja Tunes, c'est pas tout le monde qui connaît ça, ce niveau-là. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté du Ninja Tunes. Moi aussi, ça fait très longtemps, ça m'a ramené en arrière. Là. J'écoutais ça, puis je me disais comme... Mais ça s'appelait... C'était-tu Ninja Tunes que c'était? Oui. Ou c'était Ninja... C'est montréalais, ça. Oui, c'est bon, montréalais. Moi, j'écoutais des Herbalizer, ouais, Mr. Scruff, des affaires dans ben, même. C'est ça, ils sont tous là-dessus. Ouais, ouais. Puis aussi, une autre affaire qui est le fun dans le jeu, il y a du karaoké. OK. Fait que tu peux rentrer dans un bar pour faire du karaoké, puis dans le fond, c'est un peu à la Rock Band, mais tu pèses pas sur des boutons, tu joues avec ton joystick okay. pour pouvoir te rendre sa note. Quand t'es pas sa note, tu sais, le gars, il va chanter une tune, il va faire gagner un... du feedback dans le micro. C'est super bien fait, c'est le fun, c'est drôle, c'est un jeu que t'as eu le temps de finir ou... Je l'ai pas fini encore. Puis t'as-tu le goût de continuer quand même? Mais en. Ah ouais, okay. Je jouerais tout le temps à ça. Puis ce jeu-là, j'ai joué ça faisait longtemps, ça m'était pas arrivé là. J'ai joué 6 heures straight à ce jeu-là, tu sais. Sacrament. Et je fais plus ça, tu sais. J'ai deux enfants. Enfants. Il était là, mais il était couché. Puis tu sais, c'est comme... J'avais commencé un peu... J'avais commencé vraiment tôt dans la soirée. Mm-hmm. J'ai fini comme à 2h30, quasiment 3h du matin. OK, il faut jamais me coucher, là, mais je me coucherais tellement pas, ouais, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment bon. C'est un jeu. Puis en plus, c'est parfait pour les parents, ben franchement, parce que c'est pick and play. Tu peux faire une petite mission comme une grosse mission. Okay. Fait que ça sauve. La sauvegarde se fait tout le temps. T'as des parkings un peu partout qui te permettent de prendre tes véhicules. C'est vraiment... Ce jeu-là prend tout ce que les jeux ont fait jusqu'à date puis l'améliore fois 100. OK. Fait que je sais pas comment Grand Theft vont faire pour topper ça, à part avec leur beau graphisme, parce que ouais. c'est vraiment excellent. Tu sais, le carré de sable définitif, c'est Sleeping Dog. OK. Fait que là, maintenant, la barre est là. Ouais. Et autre, puis c'est à voir c'est quoi qu'ils vont faire d'autre. Fait que acheter ça maintenant, il y a aucune raison de pas jouer à ça, vraiment. Là, c'est malade. Moi, c'est ma plus grande surprise de l'année jusqu'à date. Ah ouais? Oh. Ah ouais, c'est nice. Impressionnant. Là. Je ne m'attendais pas à ça partout. Ah ben. Yeah. Good job. Yeah. On s'en va en musique avec Bionic Commando au NES, la musique du Area 1 et de plusieurs autres areas parce que la musique se répète dans le jeu. Exact. Un classique. Donc, mon jeu aujourd'hui, Tumble Pop, ouais. au Game Boy. Donc, ça s'appelle T-U-M-B-L-E-P-O-P. C'est un classique. C'est un culte classique. Ouais. Ça a été fait en 1991 par Data East à l'arcade. Et puis, le seul port qu'il y a eu de ça, c'est au Game Boy en 93 que c'est sorti en Amérique. Et puis, étrangement, ça a été porté par Sunsoft. Je sais pas pourquoi. J'en ai aucune idée. Voyons. Mais très étrange. Puis, la raison pour laquelle j'ai pu jouer à ça, parce que c'est très rare, c'est que c'est sorti sur le eShop de la 3DS dans le spécial Summer of 8-Bit qu'il y a eu en juillet dernier. Exact. Puis, c'était un bon petit deal, ça, ce Summer of 8-Bit-là. Il y a eu The Legend of Zelda, classique du NES, Kirby's Pinball Land, The Sword of Hope 2, Kid Icarus of Myth and Monsters, s'il y en a qui veulent s'essayer, Wario Land, Super Mario Land 3, Sonic Labyrinthe et puis Sonic Blast au Game Gear. Ouais. Donc, des classiques. Tumble Pop était là-dedans. Moi, j'avais jamais joué à ça, puis je connaissais pas ça du tout, en fait. Ouais. Puis, c'est comme un Snow Brothers, c'est comme un Bubble Bubble. Ouais, tu sais, ce genre c'est comme de un jeu-là. Mélange de plein d'affaires. Dans... Ghostbusters rencontre. Ben, c'était vraiment. T'es quasiment comme un Ghostbusters, effectivement. Okay. T'es un petit personnage avec un genre d'aspirateur. OK. Puis une bonbonne dans le dos. Puis t'es dans un stage, là, avec des plateformes. Puis il y a des bébites un peu partout. Okay. Toi, il faut que tu les aspires avec ton aspirateur. Puis tu les recraches. OK. Puis quand tu les recraches, ben là, ça les envoie sur les autres bestioles finalement, puis là ces autres bestioles là en mourant de cette façon, ben là ils se transforment en items que tu ramasses tout ça. C'est tellement comme la base là. On dirait qu'il y en a tellement des jeux comme ça mais tu sais c'est une recette qui marche super bien. Puis j'ai pas joué à la version d'arcade, mais ça avait l'air génial, je trouve. Puis la version Game Boy, C'est cool. Mais c'est... Oh mon Dieu, c'est lent. C'est vraiment lent, là. Ton personnage, il va pas vite, là, sur ces plateformes, là. Puis ça m'a vraiment... j'ai trouvé ça dur au début, là. Mais, ben écoute, je vais juste passer au travail vite, vite. À l'arcade, dans le fond, la façon que c'était fait, t'avais plusieurs... pays, tu sais, comme t'avais un cirque à Moscou, t'avais l'Égypte, t'avais Paris, New York, Rio, l'Antarctique, la Lune. C'est tous des stages que tu faisais un peu partout dans le monde. Et puis, là, je sais pas s'il y avait plusieurs stages, mettons, dans le stage de la Lune, là. Mais tu te promenais de place en place, puis le background changeait, puis les monstres changeaient aussi. Au Game Boy, ils ont pas fait ça. Ils ont fait plutôt une genre de carte du monde que tu te promènes, puis que tu peux aller d'un... Ben, c'est toi qui choisis où tu vas aller, finalement. Tu peux aller tout de suite en Égypte, ou tu peux aller tout de suite dans les extraterrestres, ou tout de suite dans la glace, tu sais, mais c'est pas séparé comme un monde en pays, tu sais, c'est comme, il y a une petite soucoupe volante, ça c'est le monde de l'espace, là plus loin il y a un petit désert, ça c'est l'Égypte, tu sais. Ça ressemble à une map de Dragon Warrior dans le fond du dessus, tu sais. Puis chaque point a plusieurs stages à l'intérieur de ça. Et puis, c'est très pareil d'un point à l'autre, là, je dirais, tu sais, les stages... À part le type de monstre que tu tues et puis le design du stage, il n'y a pas grande différence, t'sais. Mais même à ça, le design du stage, t'sais, c'est... À l'arcade, il y a un background, tu sais, il y a une pyramide en arrière, il y a du stock. Tu sais, au Game Boy, ils ont pas le power de faire. Non, ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas faire ça. Non plus, ils ont pas assez de couleurs. Ben, ils le faisaient bien avec Castlevania 2, mettons, par exemple. Où est-ce qu'il y avait des affaires? Il y a un horizon en arrière, puis il y a des petites choses pâles. Mais là, il y a rien de tout ça, là. Tu sais, c'est vraiment genre sur fond neutre. Ah, c'est que c'était à cause, c'était un des premiers jeux de Game Boy, peut-être. En 93. Ouais, non, c'est sur la fin du cycle de Game Boy, ça. C'était pas mal la fin. Ouais, c'est ça. Non, je pense pas, mais c'est parce que le jeu il est très vaste. Puis il y a beaucoup de stages par pays, si je peux dire. Fait que ça, je pense que ça a pris bien de la place dans la cassette, tu sais. Puis la musique est super cool. Puis ils ont rajouté d'autres choses aussi qu'il n'y avait pas à l'arcade. Ils ont rajouté des shops où est-ce que tu peux aller acheter les items. Des items, t'en ramasses dans le jeu en tuant les monstres. Ouais. Les items, c'est, mettons, des patins à roulettes. Ça te permet d'aller plus vite quand tu marches, là. Puis, tu te dis toujours, s'il avait fait cette vitesse-là normale, ouais. Tu sais, ah, est-ce que ça aurait été 100 fois meilleur? En tout cas, tu peux pogner un truc qui fait comme que ton aspirateur, il en couvre plus large. Okay. Un truc d'invincibilité. Un petit sablier aussi, parce que tu as du temps dans ce jeu-là. Ouais. Mais c'est ça. Puis sinon, c'est ça, tu peux aller à la shop pour ben, tu ramasses de l'argent aussi. Mm-hmm. Puis tu peux acheter ces items-là. Puis aussi, tu ramasses des lettres pour épeler le mot « tumble pop ». Tu sais, comme okay. dans Bubble Bubble, tu ramassais des lettres. Ramassage de lettres fait partie de ce type de jeu-là, tu sais. Fait que quand t'as fini de ramasser toutes tes lettres, ça t'amène directement dans un stage spécial où est-ce qu'il y a des items puis de l'argent qui tombe okay. du ciel. Puis toi, il faut que tu te dépêches d'aller le chercher, là, dans le fond. Fait que tout ça, ça s'accumule. Tu peux sélectionner dans un menu ces items-là aussi. Tu les accumules jusqu'à 10 de chaque. Tu peux pas en avoir plus. Okay. Mais mettons, tu dis, oh boy, ici, les plateformes sont minces. J'ai besoin d'être invincible ouais. pour passer au travers de tout ça. Ben là, tu sélectionnes ton truc d'invincibilité puis tu peux consommer ces trucs-là. Okay. Fait que ça, c'est quand même très cool. Puis aussi, à travers les stages, tu as un genre de jeu de balle que tu peux jouer en payant. Je me rappelle plus comment ça coûte. Là, 10 piastres pour 5 balles, mettons. Ouais, puis si tu lances ça d'un bord à l'autre de l'écran, pour tuer les monstres au bord puis ça te donne des items, tu sais ça. Okay. J'ai pas vraiment eu besoin de jouer à ça parce que les items t'en as une avalanche là tout le temps. Ouais, là, c'est t'sais. Ça. C'est le genre de jeu que t'as plein d'items puis que tu manques jamais de rien là, tu sais. C'est pas vraiment difficile du tout. Les boss sont pas durs non plus là, tu sais. Puis quand tu meurs, t'as des continues tout le temps, fait que tu recommences okay. où est-ce que t'es. Il y a vraiment pas de T'sais, tu le fais, le jeu. Là. C'est pas plus compliqué ouais, que ça. Ouais, c'est ça, tu passes au travers. Si jamais il faut que tu arrêtes, y a un système de password. Pas okay. trop compliqué. Ça, c'est très cool. Et puis, c'est ça. Moi, il y a un boss par monde. Moi, j'ai tué... T'es pas obligé de faire tous les stages du monde pour tuer le boss. Okay. Parce que t'as un itinéraire là-dedans. Tu peux aller à gauche puis à droite puis te rendre jusqu'au genre de château. Ouais. Là, moi, je suis allé à gauche, mettons. Là, je tue tout le monde, tous les stages un par un. Je fais le stage du boss, je tue le boss. Puis il en reste, mettons, 3 stages, mais chaque mon cas, je m'en vais au prochain monde okay. pour aller tuer l'autre boss. Là, j'ai tué tous les boss. Là, le jeu ne s'est pas terminé. Là, je suis comme tombé dans un Twilight, là, que genre, fuck, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, je suis retourné voir, les boss sont revenus, mais les stages que j'avais faits, ils ont comme déjà été faits. Fait que là, comme par pure logique, que je me dis qu'il faut peut-être que je fasse tous les stages ouais. de tout le jeu et tous les boss pour finir d'avoir une fin à ce jeu-là. Mais là, j'ai pas eu la patience, désolé. Je voulais pas tout refaire les boss parce que non seulement ton bonhomme il va pas vite, pis c'est quand même assez long de faire tout ça, mais quand tu te promènes dans la map monde, tu sais, pis tu vas d'un stage ouais. à l'autre, ça aussi c'est tellement long là. Le bonhomme il avance tellement lentement là. Ah, juste d'aller de point A au point B là, pour choisir ton stage, c'est dégueulassement long là. Ah, c'est plate. Ça c'est vraiment plate. C'est ça qui a ralenti. Sur Game Boy, il y avait souvent ce problème là, je oui, trouve. Puis les aussi, personnages lents. Non seulement ça, mais en plus aussi des fois que dans un stage, plein de plateformes, plein de monstres qui apparaissent, t'as comme un gros ralentissement ouais. là, dégueulasse là, tu sais. Fait qu'il y a du ralentissement aussi dans le jeu là. Là. Mais là, je chiale pas mal, là, mais c'est le fun quand même. Mm-hmm. Tu sais, c'est un petit jeu léger, vraiment comme agréable. La musique est super bonne, puis je me suis rendu compte que c'est la même que l'arcade. Ils ont vraiment comme okay. ils ont vraiment travaillé fort là-dessus. Ça semble être pas mal la même chose. Le gameplay aussi, la même affaire. Ça, okay. c'est très cool. Les items que tu ramasses semblent être pas mal toutes les mêmes aussi que sur l'arcade. Malheureusement, par contre, tu peux juste jouer à un. Mais tu sais, au Game Boy, ouais. on jouait jamais à deux dans le temps. Le, hein, le fait qu'on Link, s'en... là. Le ben, Link trouver play, un autre là. Gars qui a Tumble Pop dans ton dans la même ville, là, ça doit être assez difficile, pareil. T'as Tumble Pop et t'es plugué avec un fil. Avec un autre dude qu'il faut qu'il y ait Tumble Pop, tu sais, c'est impossible. Là. Mais à l'arcade, par exemple, je trouvais que ça avait de l'air ouais, ça vraiment cool, génial. Ça, sur YouTube, allez voir l'image. Ça, là, Tumble Pop Arcade. Pis, si vous êtes des joueurs d'émulateurs d'arcade, ouais. whatever, c'est clair que vous devez avoir ça quelque part dans ben, vos patentes. Il va quand même plus vite, là, le personnage. Il va vraiment plus vite. Oh, puis ouais. quand t'aspires un monstre, il rentre tout de suite dans balayeuse. Ça va vraiment vite. Fait que c'est ça. C'est un jeu... Sur l'eShop, il coûte 3$. C'est quand même, tu sais, moi, à ce prix-là, je trouve que ça vaut la peine ouais, d'explorer des correct, classiques comme piastres. Ça. Ben oui, c'est un petit 3$. Si tu veux copie originale, c'est dur. J'en ai pas vu sur eBay dernièrement. Il y en a okay. une sur LuckyGames.com. Elle est à 30$. C'est, okay. c'est un jeu qui est très rare, là, vraiment. Si okay. vous tombez là-dessus, achetez ça. Et puis, fun facts, pour oh. terminer, dans le tableau du cirque, du moins à l'arcade, il y a des cracheurs de feu. Et puis, il y en a un de ceux-là qui c'est Carnov. Ah! Parce que, yes. c'est, vu que c'est un jeu de Data East. Ah, oui. D'ailleurs, dans notre épisode spécial Data East, j'en avais parlé de Tumble Pop via ce Carnov-là. C'était quel épisode? Quel numéro? Hein? Hey, je m'en ça, rappelle je m'en plus. Souviens hein. pas, ça fait un bout. Mais je m'en rappelle, en tout cas, on avait parlé. Et puis, toujours des jeux de Data East. Les Cavemen, les hommes des cavernes qu'il y a dans l'arcade, c'est Joe et Mac. Le jeu Joe okay. et Mac de Data East qu'il y avait cool. eu au Super NES. Fait que ça, c'est cool, là, les petits Easter eggs, de même, les petits fun facts. Alors voilà, Tumble Pop, un achat sur le eShop, 3$, classique du Game Boy, pas cher. Ben, ben le fun. Nice. On s'en va à musique avec le thème du remake de Bionic Commando. We'll be right back. Fait que on avait eu une a long time ago une suggestion long time ago in a galaxy far away. Oui, de discussion qu'on avait bien aimé puis qu'on avait toujours pas fait. C'est de Olivier Hugo qui nous avait envoyé ça sur Facebook. Il nous avait demandé ça serait quoi le jeu qu'on aimerait inventer. Ouais. Fait que qu'est-ce que t'aimerais inventer? Qu'est-ce que j'aimerais inventer? Moi, premièrement, je pense que j'aimerais ça. Tu sais, notre show, c'est rétro nouveau. Ouais. Je pense que j'aimerais ça que ça soit rétro nouveau, justement. Tu sais. Deux gars qui boivent de la bière, qui mangent des chips. That's it. On va se coucher, on va travailler. That's it. Ça serait fou, raide. Ça vendrait des millions. C'est sûr que ça vendrait ça. Mm. Non, mais mettons. Un de Sims avec nous deux, là, tu sais. Ouais. Malade, tu sais. Chacun de notre bord, on fait nos affaires. Ouais, ça serait ça. Des gars qui font des Instagram, là. On s'en va au parc avec les enfants. Ouais, on fait faire des rénovations. S'achète du linge. Oh, ouais. Ça serait génial. Si je plane. Non, mais tu sais, comme mettons. 3D.com. Game Heroes, tu sais. J'ai pas essayé, moi, ce ça. Ce jeu que je veux jouer depuis une éternité, pis qu'à toutes les fois, je suis comme, ah, hein, il est encore 40$, tu sais, je vais attendre qu'il descende, tu sais. Ouais. Mais ça, c'est un bon exemple d'un jeu rétro nouveau, tu sais. T'as comme un espèce de feeling rétro, mais c'est tout neuf, c'est tout de la grosse 3D, super bien faite, pis. Ouais. Tu sais, moi, j'aimerais ça, comme côté looking, j'aimerais ça que ça soit ça, tu sais. Ça serait comme un jeu pixel, ben, en pixel de en pixel, de jeu. Mais des pixels en 3D. Ouais. Tu sais, okay. Des pixels en 3D, puis je pense que ça pourrait un être... Un peu comme Fez, quoi? Ouais, un peu comme Fez, mais tu sais, Fez, encore là, ça reste pas mal plus 2D, 8-bit que 3D, tu sais. Il y a un effet 3D dedans, mais même l'effet 3D reste... 2D. Non, moi j'aimerais ça que ça soit comme full 3D, mais que t'aies un feeling complètement rétro dedans. Moi j'aimerais ça de la musique, un soundtrack présent, tu sais, ça serait bien important ça. Dans les tableaux là, qu'on fait ou whatever, tu sais, j'ai une track qui fit. Si on est dans la ville, j'ai une track de ville. Si on est dans la jungle, une track de jungle. Ouais. De cave, de dans le ciel. Je sais pas, j'aime ça, moi, quand ça marchait. Tu le savais. Des fois, il y a des soundtracks de jeux que t'as même pas besoin de regarder. On se fait juste jouer les tracks. Là, c'est comme dans le ciel, c'est dans les nuages, là, c'est vaporeux, c'est sûr. Exact. T'sais, j'aimerais ça qu'il y ait ça. Là. Ah non, ça serait le fun, ça. Mm. Non, ça serait écœurant. Puis. Tu sais, de la musique de même, puis moi, j'aimerais ça qu'il y ait des Christy de gros boss. Ouais, c'est vrai que t'aimes ça, toi, moi, les gros boss. Moi, j'aime ça quand les boss sont immenses, là, quand c'est épique, puis ton bonhomme, il est tout petit dans l'écran, là, ouais, j'adore ça. Fait que je pense que je pousserais le ridicule dans le tapis, là, fait que le boss, il serait énorme, puis le personnage ferait à peu près comme 3 ou 4 pixels dans l'écran. Ça, j'avoue que ça serait pas vrai, comme 4-5 petits points là, qui bougent un peu tout croche. Puis là, tu mets ça, puis ça serait... Là, ça serait épique, tu sais. Ouais, ça serait comme... ça serait meilleur que God of War, tu sais. Mais ça serait le fun qu'il y ait des... Je sais pas, tu sais, je pourrais pas dire... Moi, ça serait un platformer, tu sais. Ouais, moi, c'est sûr que ça serait un platformer, parce que moi, mon choix principal de jeu, c'est un platformer. Si c'est un platformer, je trippe tout de suite. Mais j'aimerais ça, un platformer qui intègre, tu sais, les d'autres éléments, tu sais. Ouais. Mais moi, j'aime... Toi, t'aimes pas ça, là. De quoi? Mais, mettons, là, quelques RPG. Éléments de RPG. Ouais. Tu sais, tu fais du leveling up. Ouais. Moi, j'aime ça quand on peut aussi, monter le niveau puis devenir badass. Ouais. Du farming un peu, mais léger, là, tu sais. Puis comme un certain upgrade de ton personnage. Pas toujours le même personnage qui pogne un champignon qui devient gros, tu sais. Tu comprends? C'est comme plus que ça, là. De l'armure, tu sais, je sais pas, des armes quand même, il peut voler à un moment donné, qui te permet d'aller plus loin dans certains tableaux, découvrir des trucs, tu sais, je sais pas, mais tout ça pourrait se faire en sous forme de RPG, là, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ça serait quand même cool. Hey, ça pourrait être cool, admettons, je vais te passer une idée, un bonhomme que, tu sais, c'est rétro nouveau le jeu, fait que c'est un bonhomme qui plus il marche ou plus il court vite, plus il vieillit. Puis s'il court trop vite, il vieillit trop, il ralentit, il trébuche, puis il crève parce qu'il a couru trop vite. Hey, ça serait comme genre Altered Beast, Mais ça serait comme un vieux bonhomme, mais le gars, il est jeune, il est vieux, tu sais, tu cours vite, tu deviens super vieux, t'es comme... Puis là, tu t'es foire à terre, fait que faut que tu gardes ton momentum pour rester à la même vitesse, tu sais, pour rester faut dans la trentaine. Faut pas que tu t'énerves trop, là, pour... Ouais! Faut pas claquer, là, du stress. C'est ça. Ah, mais sais-tu qu'est-ce qui ferait pas pire aussi? Tu sais, un genre de jeu... Ça commence, t'es vraiment genre 8 bits, même Atari, whatever. Ouais. Puis c'est un platformer, là. Ouais. T'es un carré qui saute de plateforme à plateforme, qui lance des petits carrés. Puis là, à mesure que t'avances, là, soudainement, t'es comme plus de petits carrés, tu sais. Puis t'es comme. Tu deviens 16 bits, tu deviens 16 bits, 32, 64, full polygone dégueulasse, tu sais. Mais c'est tout le temps le même jeu, là, par exemple, avec le même but, tu sais. Puis les mêmes genres de plateformes ou le même style, là, tu ramasses cool, des affaires, mais tu changes, tu sais, tu vis toutes les époques du gaming jusqu'à aujourd'hui, tu sais, puis à la fin, t'es comme, ah, t'as ton personnage, tu sais, qui est vraiment cool, mais au début, c'était juste une pile de trois carrés, là, tu sais, comme dans Venture à l'Atari, tu sais. Ça serait vraiment hot, là. Ça serait cool, mais qu'est-ce qui arrive à la fin? Il fait juste comme « Ah, I win! » Non, non, non, mais non, mais c'est un jeu que le but, c'est pas juste de passer à travers. Okay. Tu sais, il y a un boss, là, à la fin, là, whatever, tu sais, puis il faut que tu farm, puis il faut que tu fasses des... Puis pourrais-tu avoir des micro-jeux, là, genre, je sais pas quoi, tu sais, un jeu de fighting, Street Fighter. Quand t'as des batailles, là, tu sais, ça pourrait être cool. Moi, j'aimerais ça, c'est ça, un gros mix des genres. Mettons, c'est un platformer, puis là, t'arrives devant un ennemi, mettons, là... Tu sais, comme dans Mario Bros, là, quand t'arrives devant la fucking tortue avec ses boomerangs, là, bon sens. Là, t'arriverais, pis ça tomberait en mode Street Fighter, tu sais. Ah, ça serait hot. La place, t'as un gros combat avec des grosses jauges de t'sais, t'as, ben oui. T'as vraiment de l'énergie, là. Pis là, tout le jeu change, là. C'est comme, t'es rendu, tu te bats contre ce gars-là, ben, that's it, that's all. Pis après ça, si t'arrives à un boss... La caméra switch, ça devient en 3D, c'est huge, c'est un méga boss devant toi, tu sais. Ah non, ça serait hot. Ben, je trouve que c'est. Ça devient un schmop entre les tableaux, tu sais. Ouais, c'est ça. Ça serait tout ce qu'on aime, tu sais. Ouais. Mais il y en a pas, on dirait, des jeux de combat que. C'est pas des jeux, des jeux de, mettons, des jeux normaux, là, où est-ce que la bataille dedans, mais où est-ce que la bataille se transforme vraiment en round, tu sais, one-on-one, là, avec un knockout. Tu sais, oui, bas contre le monde, tu y sacs la volée, c'est terminé, mais je sais pas, c'est pas aussi sérieux que dans un jeu de combat, tu sais, t'as pas autant d'options. Ben, c'est ça qui serait le fun, ça serait le fun qu'admettons ton platformer soit normal, tu sais, t'as comme 3-4 boutons, puis t'as pas grand mouvement. Tu tues du monde, t'sais, tu slashes des affaires, tu fais ton chemin. Pis dès que tu deviens fighter, whoop, là, tu peux faire des fireballs, tu peux faire plein d'affaires que tu peux pas faire en mode platformer, tu sais. T'sais, à la limite, c'est ça qui serait le fun, c'est que, tu sais, ça soit un jeu qui a comme plusieurs modes de même, puis dès que tu switches de mode, ben mon gars, adapte-toi parce que nous autres on roule, tu sais. Ouais, c'est ça. Le jeu avance, faut que tu t'adaptes tout le temps, tu sais. Ah ouais, ça serait vraiment hot. Ben, ça serait cœur, hein. Moi, j'aimerais ça aussi qu'à un moment donné, évidemment, ça serait un de nos jeux, fait qu'il faudrait qu'il y ait un bout que c'est du pinball. Ça serait dur à plugger. Ça serait vraiment dur, mais je me disais, mettons dans le shmup, tu sais, ouais. Il s'en va sur le côté, tu sais, comme dans Highlander. Ouais. Fait que là, il est dans le côté dans Highlander, mais tu sais, à un moment donné, Highlander, il s'en allait vers l'infini, vers le fond de l'écran. Je me disais, il s'en va vers le fond de l'écran, puis là, l'infini devient une grosse voie lactée. Il y a deux flippers galactiques qui arrivent en bas, mon gars, puis tu spins ça, tu sais, avec les planètes et tout ça, puis t'as des aliens qui s'en viennent sur toi, puis la voie lactée est une pinball. Ouais, ben ça serait possible. Ça serait possible! Chris. C'est ça le pire. Ouais, ça serait possible de tout mixer ça, tu sais, puis t'as du RPG, t'as du level up, t'as du looting, tu sais, tu pourrais avoir aussi tu pourrais avoir, tu sais, ton tableau de la cave, ça pourrait être un jeu d'horreur, tu sais. Ouais, c'est ça, un survival. Là, ça devient un survival horror, t'as juste une lampe de poche, tu sais, puis tu bad trip, puis c'est en 8 bits, mais tes ennemis sont tous en gros 3D hyper réaliste, dégueulasse. C'est ça, tu mélanges les deux. T'es juste un personnage 8 bits avec une petite flashlight qui a une portée d'à peu près 8 carrés. Puis là, d'un coup, tu vois, tu sais, avec ta flashlight, une espèce de bestiole horrible, tu sais, de vrais jeux d'aujourd'hui. Hey, c'est écœurant, là, hyper là, réaliste. Comme, en plus, ta lampe de poche, faut tout le temps ta shake parce que c'est des espèces de lampes les de poche cheap qu'il faut que tu shakes, là, les batteries, faut que ça marche. Hey, ça serait fucké, ça serait pareil. Écœurant, là. Hey, ça serait dur à matcher, pareil, là, côté look, là. Ouais. Mais non, ça serait intéressant. Avec un beau level d'horreur, puis tu sais, qu'est-ce qui manque là-dedans? Ben là aussi, il faudrait qu'ils le vendent dans une belle pochette, là. Ouais, la pochette, c'est important. Avec du beau artwork, du beau artwork. Là, t'sais, classique, là, mais aussi t'sais, nice. Là, un artiste ouais. très cool, mais faudrait pas que ça ait l'air d'un ramassis. Là, t'sais, faudrait non. que ça se fonde ensemble, que ça soit vraiment beau. Que ça soit, je sais pas, monochrome ou quelque chose. Ouais, un beau packaging, super design. Là. Disponible aussi sur la. Ben, disponible, ouais, ça pourrait être pas. Moi, je le mettrais disponible sur toutes les consoles ever. toutes les consoles ever. Ouais, est disponible sur toutes. Hey, si t'as un Commodore 64, tu peux y jouer. Tu sais, ça va, le jeu va s'adapter à ton Commodore. <t'sais>. dans la zone de la grotte, tu verras pas les bébites. Ils vont être là, mais t'y verras pas parce que la machine n'est pas capable de les renderer. Ouais, t'sais. Ouais, ouais. Mais mettons, t'sais, tu peux jouer sur ton Game Boy, ça va être monochrome, mais t'sais, ça va être cheap. Ouais, mais ouais. ça va fonctionner, t'sais. Mais toutes les consoles. Ça coûterait cher, tu sais, c'est le jeu qu'on aimerait faire. Fait ah, ça coûterait très cher, mais ouais, c'est ça. Peut-être ça qu'on pourrait faire que dispendieux. Tu le fais en cassette de Game Boy Advance. Ouais. Tu sais, t'as certains stretch que tu peux pas faire où tout le jeu est adapté pour que le maximum de graphisme hot. Ouais. Ça l'arrête à Power, à la force du Game Boy Advance. Exact. Tout le reste, c'est beaucoup d'Atari puis de Coleco puis de ZX Spectrum. Ports, là, quand tu joues sur le PS3, ben là, t'sais, t'as un plus grand spectre exact. Dans le fond. Ça se. Mais non, parce que quand tu checks ça, Krim, il y a eu Pit Fighter sur Super Nintendo. Fait que tout est possible. Hey, ça, c'est un bon argument de vente. On s'en va vendre notre jeu à je sais pas qui, à EA, tu sais. Genre, hey, il y a eu Pit Fighter. Eu Pit Fighter. Tout est possible. Lève-toi de ta chaise, là. Tout se peut. Ah, ça serait trop hot. Ça serait écœurant. Mais moi, j'aimerais ça qu'il soit disponible en, c'est ça, en cassette, là, tu sais. Oui. Quand je pense qu'ils ont fait des Megaman 9, tu sais, puis qu'ils l'ont même pas fait pour faire plaisir aux fans en vraie version NES, tu sais. Ce qui est chiant, ça, de Megaman 9, là, c'est que le kit qu'ils envoyaient, ou les kits fake. De presse qu'ils envoyaient, c'est ça, ils envoyaient une cassette NES, mais... Mais dans cassette, dans t'avais, cassette un t'ouvrais la cassette, un t'avais CD, un CD t'sais. À l'intérieur. T'sais, c'est turn off au max. Ah ouais. C'est le fun, le package. Puis ils ont eu une très bonne idée de faire un cover vraiment laid ouais. pour genre rire un peu du cover du premier Megaman, même ouais. du deuxième, à mon avis. Mais hey, ça aurait été quoi t'sais, pour eux autres? Là. Ouais, ben, des frais, là, mais mon Dieu, ils auraient passé pour des héros. Là, ben oui. Tout le monde d'avoir fait un jeu, une cassette de NES. C'est sûr. Là. En tout cas, nous autres, on y penserait à ça. Nous autres, on aurait un gros marketing. Ouais. Le jeu, il serait sur NES, Super NES, sur le Amiga. Le ZX Spectrum. ZX Spectrum. Vectrex. Toujours en wireframe. Cauchemar. La fameuse montre, là, où tu peux jouer des jeux. Ça serait-tu aussi, Colin? Il y aurait un Game & Watch Rétro Nouveau. Ah ouais, un Tiger là, portatif. Ouais. Là. Ah, ça serait écœurant. Ah là. Ouais. Là, le monde dirait comme, OK, mais comment tu vas faire le schmuck puis le pinball puis tout ça? Quand... On verra plus tard. On est dans le pitch de vente. Là. Attends, rendu au lac. Là, là ça va aller. Tu sais. Mais non, faut que la pochette soit design. Faut que ça comporte pas mal tous les genres de jeux qui existent. Ben, ça prend du shmup, du pinball, du fighting, du RPG, du platformer. Platformer, ouais. Mais du survival pour notre niveau survival de cap. Survival horror aussi, ouais. Ça prendrait du racing aussi. Ah oui, un c'est peu vrai. De course là-dedans, là, ça serait bon, tu sais. Puis à la limite, là, un peu de course, vu que c'est un platformer, ça pourrait être un peu de course à la NARC. Que tu fais juste pogner un juste, sharp, puis écraser du monde. Hey, moi, j'aimerais ça écraser du monde un peu en char, mais ça beaucoup. C'est fun. Ouais. Moi, j'aimerais avec ça qu'il existe un 2D. En fait, fuck that. Hein. On fait. Notre jeu, c'est pas compliqué. Là. On laisse faire tout ce qu'on vient de dire. On prend juste le bonhomme de NARC avec un rocket launcher et on tire dans des drogués pendant, c'est juste pendant des heures et des heures. Puis on voit les membres qui revolent dans les airs. Ça, ouais. ça serait parfait. NARC 2, man. On fait juste tirer NARC du rocket launcher. Pour toutes les consoles ever, c'est une mécanique tout le long, un ennemi. Tellement satisfaisant. Il revient tout le temps. Ah non, ça serait parfait. Ça serait très drôle. Ouais. Juste tirer du rocket launcher dans des drogués. Là. Ouais, that's it. NARC 2. Bon, mais c'est ça. C'est ça, c'est ça que ça va être. Ouais. On se met là-dessus demain. OK. Bon, Bon brainstorm. Ben oui. Hey, ça nous fait, ça nous remue les méninges. Ben oui. Quand même. Là, j'ai, ça nous fait j'ai rêver aussi. De... Ouais, c'est ça. J'ai envie d'aller faire une pochette. Ben oui. Dans Photoshop. J'ai soit le goût de créer un jeu où il y, y a un développeur quelque part qui va voler toutes nos idées. Hey, tellement, mon gars. Là. L'idée on vient de donner du, des idées à des développeurs. Ben oui. Là. De passer d'un jeu qui se joue en... en 2 bits jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Là, il me semble que c'est un bon flash, ça. Ouais, c'est un bon flash. En tout cas, on va se le faire voler. On se le faire voler. Hein? Coudon. Bon, ben, à quiconque nous l'a volé, j'espère que tu dors mal la nuit. Oui. Ou viens nous voir. Ouais, viens on va nous t'aider. Voir. On va te faire du beau graphisme. On est des designers, on ouais. a des idées, on connaît des contacts en musique. On va tout organiser ça. On va faire fortune. Exact. Voilà. C'est ça qu'on veut faire. C'est vrai. Aujourd'hui, un podcast. Demain, l'or. On va juste avoir plein d'or partout. On va se faire... Je vais faire transformer toutes mes consoles en or. Ouais, exact. Moi, je veux un t-shirt en or. Côté, là, que tu peux pas bouger les membres. Là. Non, c'est ça. Ça serait parfait, là. Ça, puis des bobettes en or, là. C'est clair. Ça serait cœur, hein. Des souliers en or. Dominique, tu veux des grills depuis combien de moi, temps? Moi, je veux hein? du grills, mais ben oui. Ça se peut pas, comment j'en veux, Christy. Du grills. Tu sais, des dents de vampire, mais sur toutes les dents, là, tu sais. Juste des canines. Arrache-moi toutes les dents, mais moi, juste des canines en or. Je peux seulement déchiqueter la nourriture. Je peux pas les foirer, tu sais. Je peux rien faire, juste la déchiqueter. Hey, ce serait écœurant, ça. Wow. Fait que c'était le quatrième... Le, voyons, le quatrième. Le quatrième, oui. Ouais. Ouais, c'est ça. C'était le quatrième épisode de Rétro Nouveau. Ouais, le 34e. Ouais, plus 30. Ça ressemblait un peu à nos premiers épisodes, hein? Oui, un ça ressemblait un petit peu plus court. Oui. Puis on essaie ça de même. Oui. On aime bien ça. On aime bien ça. Puis, tu sais, écoute, c'est parce que... Faut pas essouffler les coureurs non plus un peu trop. Non, c'est ça. Jusqu'à temps qu'ils crèvent. Fait que... qu'on va tenir ça de même. Ouais. On vise à peu près... Ben, on veut pas être trop précis, mais on vise un podcast aux 2 semaines ouais, maintenant. Ouais, c'est là. Ça. Donc... C'est ce qu'on vise. Ça va-tu être ça? Ça va-tu être pas ça? On sait pas, mais on, ben, on prend sait ça pas. Relax. C'est ça qu'on se dit que ça va être, puis sûrement que ça va skipper de temps en temps. Mais notre base dans nos têtes, c'est ça pour l'instant. Fait que retourner sur le site. Ouais. On continue, on est toujours là. Ouais. On a été tranquille dernièrement, mais on est. Ben, là. Il se passe pas grand chose non plus dans le monde du jeu vidéo. Fait que tu sais, qu'on veuille bloguer ou non, tu sais. Effectivement. Moi, je suis là depuis 2 semaines, puis je suis disponible pour mettre plein de choses sur le site. Il y a rien. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une coupe de. Il se passe pratiquement rien. Je me suis laissé aller, mais j'ai une coupe de gogos que je vais mettre d'ici la fin de semaine. Ouais, là, j'ai vu ton truc pour faire des pochettes de Virtual Boy. C'était super intéressant. Ouais, hein. Moi, j'en ai des jeux de Virtual Boy qui traînent ici. Ouais, c'est j'aimerais ça. Bien ça qu'ils soient je en pochette. Je vois ton jeu, là, bien en évidence. Ouais, ouais, il est drette là, puis je me dis, ah, la poussière rentre dedans. J'ai une pochette comme les autres. Faudrait que je me mette à ça, là, le bricolage. Mais ouais, non, ça serait très cool. Bon. Mais voilà, donc suivez-nous. On est là. Puis on est content d'être de retour. Mais, hein, et ça puis, va du bien. Ouais, vraiment. Bye. Ciao.